La paille, le grain, la brume au matin et les bourrins. C'est le dernier campsite avant les retrouvailles. Tennessee White l'aimait bien trop. Cheveux rouges coupés courts, 50 kilos. Et la fille effrayée, son mal comme peau. Le corps tout engourdi d'une nuit sans lit, les mules tranquilles quittent la ville. Wild en gris de la lune. Tennessee White l'aimait bien trop. Cheveux rouges coupés courts, 50 kilos. Et la fille effrayée, son mal comme à tous les fans. Tennessee White.